La nuit du 13 avril 2025, la pleine lune illuminera le ciel avec une intensité singulière, projetant son éclat sur le monde endormi. Pourtant, derrière cette lueur argentée, une danse invisible d'énergie vibratoire se joue, influençant subtilement les âmes et les destinées. Cette pleine lune, marquée par la conjonction de puissantes influences cosmiques, émettra une fréquence vibratoire plus élevée qu'à l'accoutumée. Ce phénomène se traduira par une sensibilité accrue chez les êtres humains, ouvrant la porte à des prises de conscience profondes. Les âmes réceptives pourraient ressentir une forme d'élévation, tandis que celles en lutte avec leur propre énergie pourraient percevoir un tourbillon d'émotions contrastées. Les cycles lunaires agissent comme des miroirs de notre évolution intérieure. Cette pleine lune, particulièrement chargée, mettra en lumière les aspects karmiques restés en suspens. Certains pourront voir ressurgir des émotions oubliées, des rencontres inattendues ou des événements déclencheurs qui offriront des opportunités de libération et de transformation. Ce sera un moment propice pour guérir les blessures du passé et ouvrir de nouvelles voies vers l'épanouissement personnel. Les heures entourant le zénith de la pleine lune, soit entre 22h et 2h du matin, seront particulièrement puissantes. Il est conseillé d'être attentif aux rêves, aux intuitions et aux coïncidences qui pourraient nous surgir. Certains pourraient expérimenter des éclairs de lucidité, comprendre des schémas répétitifs de leur existence ou ressentir une connexion plus forte avec l'univers. Pour tirer parti de cette vague énergétique, plusieurs pratiques peuvent être mises en place. Méditation et ancrage. S'aligner avec les vibrations lunaires en méditant en plein air ou près d'une fenêtre baignée de lumière. Rituel de libération. Écrire sur un papier ce dont on souhaite se détacher, puis le brûler symboliquement. Travail sur les intentions. Noter ses aspirations et les visualiser avec clarté afin de renforcer leur manifestation. Bain énergétique. Se purifier avec un bain infusé de sel et d'herbe pour absorber les bienfaits de cette lune transformatrice. Alors que la nuit s'étirera sous l'œil bienveillant de la lune d'avril, une question s'invitera dans les pensées de chacun. Sommes-nous prêts à accueillir le renouveau qu'elle nous propose ?